kuko ndayane bimwe bakakubiza ariko nanze na teni. Je vais te nacer, de Massembo, le grand parisien. Le prince Ludovic Otiesa.